Thank you. Synthesizer analogic synthesizer Roland. Hey Philippe. J'ai ramené un ampli. que j'avais avant. Ah, mais c'est un bestie. Non. Tu ne prends rien du tout. J'attends que mon repas se prépare. J'ai faim. Bah, plus tard, peut-être. J'ai 5 minutes. Attends. Attends, je fais un petit test. J'ai même pas accordé ma gratte. J'ai accordé la guitare pour un test. Après, c'est ça, il y a un problème de niveau sur les guitares, c'est ça? Là, je suis trop fort, non? Hein? Vous pouvez me dire si je suis trop fort, pas assez fort? Je comprends rien, même, ces niveaux-là. Attends, je vais jouer. C'est ça? Alors en fait, il y a une sortie numérique, c'est un Vox simulation Defender. Regarde, ok, bon. Moi j'ai des peurs, ouais. We'll be right back. change de simulation. C'est l'heure de manger. J'étais fort, non? Thank you. Thank you. Thank you.